بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في آخر حديث من هذا الباب، ثاني حديث de ce chapitre qui est le chapitre de la salade de la peur. Et là on va prendre une autre façon de faire cette salade là, de la peur. Là ça va être avec l'ennemi qui est, se trouve entre les troupes et la Qibla. C'est-à-dire il est devant nous lorsqu'on fait la salade et la Qibla se trouve derrière lui. يقول في الحديث الحادي والخمسين بعد المئة ساسكتنيم حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في ناحية العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. Donc là Jabir l'informe radi Allahu anhu qu'il a assisté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la salade de la peur. Donc il a dit que le Nabi sallam a fait deux rangs derrière lui et que l'ennemi était devant eux, c'est-à-dire entre eux et la Qibla. C'est-à-dire la Qibla est devant eux, d'accord, et l'ennemi est face à eux également. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir. Ils ont tous fait le takbir avec lui. Ensuite, il s'est incliné. Après, ils sont tous inclinés avec lui. Après, il a relevé sa tête de l'inclinaison. Ils sont tous relevés avec lui. Ensuite, il s'est prosterné lui, ainsi que le premier rang qui était juste derrière lui. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le rang derrière lui sont tous prosternés. D'accord ? Quant au deuxième rang qui était derrière, eux sont restés debout à surveiller l'ennemi. Et lorsqu'ils ont fini la prosternation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé, ainsi que le rang qui était derrière lui. Et le deuxième rang qui était en arrière, eux là, à leur tour, se sont prosternés. Eux, à leur tour, se sont prosternés. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le premier rang étaient debout. Après, ils se sont relevés. قال ثم تقدم صف المؤخر وتأخر صف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا وقال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائكم. Donc après il a dit qu'est-ce qui s'est passé, que le rang, deuxième rang qui était en arrière se sont avancés et le rang qui était en avant derrière le Nabi sallam eux ont reculé, c'est-à-dire ils ont changé de place, les derniers sont devenus les premiers et les premiers sont devenus les derniers. Et là le Nabi sallam s'est incliné, ils sont tous inclinés avec lui. Ensuite, il a relevé la tête, ils sont tous relevés avec lui. Ensuite, le Nabi sallam s'est prosterné. Et le rang qui était derrière lui s'est prosterné. C'est-à-dire, ce rang qui était derrière lui, maintenant, ce sont ceux qui étaient les derniers dans la première rak'at, qui se sont avancés maintenant. Et les autres qui étaient les premiers sont devenus les derniers, et eux sont restés debout, à surveiller l'ennemi. Et une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini la prosternation, il s'est relevé, lui, ainsi que le rang qui était derrière lui. Et ceux qui étaient debout, qui surveillaient l'ennemi, à leur tour, maintenant, se sont prosternés. Ou plutôt, à Afwan, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini son soujoud avec le premier rang, ils sont restés assis. Ils sont restés assis. Et ceux qui étaient derrière eux, à leur tour, se sont prosternés. Et quand ils ont fait la prosternation, ils étaient tous assis derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là, il a fait le taslim, ils l'ont tous fait ensemble. Ça veut dire qu'à aucun moment, ils n'ont fait tourner le dos à l'ennemi ou était sur le côté autre. Tout le temps, ils étaient face à l'ennemi. Et Jabir, il l'a dit que cette salade que nous avons faite, comme l'ont fait vos gardes là actuellement avec vos gouverneurs. Comme l'ont fait vos gardes là actuellement avec vos gouverneurs. Naam. فقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي جابر بن عبد الله. Donc le rapporteur, c'est Jabir. يقول موضوع الحديث, sujet du hadith, بيّن نوع آخر من أنواع صلاة الخوف, pour montrer une autre façon de faire salade de l'ennemi. De la peur. Et c'est dans quelle situation? Lorsque l'ennemi se trouve devant nous, en direction de la Qibla. يقول في الشرح الإجمالي غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا. فلما صلوا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. قالوا إنهم سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولاد من الأولاد. فأخبروه جبريل بذلك. Donc le Nabi sallam est parti en bataille contre des gens de Juhayna. Et ils ont eu un dur combat entre eux. Et lorsqu'ils ont fait le dhor, les mouchlikoun, ils ont dit, si seulement nous pouvions saisir l'occasion pour lancer un seul assaut sur eux et les exterminer. Et ils ont dit d'attendre, car ils vont faire une salade qui est plus aimée pour eux que leurs enfants. C'est-à-dire le asr. La salat al-wasta. Donc Jibril a informé cela au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a informé de ce que ses ennemis ont dit. فلما حضر صلاة العصر صلى بهم صلاة الخوف فيخبر جابر أنه شاهد مع النبي شاهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان العدو بينهم وبين القبلة. Donc là, lorsque le Asr est venu, ils ont fait la salat de la peur. Et Jabir informe justement qu'il assistait à cette salat là et que l'ennemi était entre eux et entre la qibla. فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين يشاهدون جميعا العدو فكبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وركع ورفع بهم جميعا فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه الصف الأول وبقي الثاني واقفا يحرس. Donc là il a dit Jabir que ils se sont tous alignés derrière le Nabi صلى الله عليه وسلم en deux rangs face à l'ennemi. Tous voyaient l'ennemi devant eux. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait le takbir avec eux. Ils ont tous le takbir avec lui. Ensuite il a fait, comme vous savez, la lecture du Coran. Ensuite il s'est incliné, ils se sont tous inclinés avec lui. Après il s'est relevé, ils se sont tous relevés avec lui. Ensuite il s'est prosterné, lui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et juste le rang qui était derrière lui, le premier rang. Et le deuxième rang, ceux qui étaient en arrière, sont restés debout à surveiller l'ennemi. قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول من السجود فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني فلما قاموا من السجود تقدموا لمكان الصف الأول وتأخر الصف الأول لمكان الثاني مراعاة العدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل صلاة. Donc ensuite, une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé de son sujoud avec le premier groupe, le premier rang, le deuxième rang, eux, se sont prosternés. D'accord ? Ils ont fait leur prosternation. Ensuite, ils se sont relevés. Ensuite, le deuxième rang qui était en arrière se sont avancés. Et ceux qui étaient en avance ont reculé. Ils ont échangé de place. D'accord ? Afin que ce ne soient pas tout le temps les mêmes à la même place durant toute la salat. Et qu'ils ne cessent de faire face à l'ennemi durant toute la salat. قال ثم صنعوا في ركعة ثانية مثل ما صنعوا في الأولى. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه للتشهد سجد الصف المؤخر ثم سلم بهم جميعا. Et donc ils ont fait pareil lors de la deuxième prosternation, hormis du fait que là le Nabi صلى الله عليه وسلم ne s'est pas relevé, il est resté assis pour le tashahhud. Et à ce moment-là, ceux qui étaient derrière, qui étaient au début, qui étaient les premiers, eux sont également prosternés. Une fois qu'ils ont fini la prosternation, ils sont mis assis également. Et là, il a fait le tashahhud et le taslim pour tous, tous ensemble. Donc tous ont fait face à l'ennemi du début à la fin. نعم. يقول من فوائد الحديث أولا مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها. Qu'il est légiféré de faire la salade de la peur lorsque le besoin se fait sentir, parce qu'il y a une cause. ثانيا أن من أنواعها إذا كان العدو في جهة القبلة أن يصف القائد الجيش صفين ثم ذكر وصف الحديث. Et que parmi les, justement les formes de la façon, différentes façons de faire cette salade, lorsque l'ennemi est devant nous face à la Qibla, alors on peut faire comme cela est cité dans le hadith. ثم قال ثالثا وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على حل على أي حل كان. Qu'il est obligatoire de conserver la salade en son temps, en toute situation. رابعا وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في حال الأمن والخوف. Qu'il est obligatoire pour les hommes de faire la salade en groupe, qu'ils soient résidents ou en voyage, dans la sécurité ou dans la peur. خامسا وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. Qu'il est obligatoire de prendre les moyens de précaution devant les ennemis, face à l'ennemi, avec tous les moyens possibles. سادسا جواز تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة. Qu'il est permis à celui qui préside en salat de se séparer de l'imam, c'est-à-dire de ne pas le suivre dans tout ce qu'il fait, d'accord, dans la salat de la peur, pour un intérêt, pour un besoin. سابعا جواز الحركة من غير جنس الصلاة للمصلحة الصلاة. Qu'il est permis de faire des gestes n'étant pas inclut de la salat, c'est-à-dire des gestes qui ne sont pas de la salat, durant la salat, pour une maslaha, pour un intérêt général. Thaminan husn tanzim al-islam wa adalatu. Ce qui montre la bonne organisation de l'islam ainsi que sa justice. Naam. Donc là, c'était le dernier hadith que nous avons pris de Bab al-Khawf, wa bihadana ktafi, wa alhamdulillahi rabbil alamin.